avec des citations de Serge Gainsbourg. Et je peux vous en faire encore plein. Ça coupe, hein, putain. Les serveurs, c'est la guerre. The sun is rising. I am pitching. Ah, c'est joli. Le soleil se lève et je pince les nerfs dans ma main. Malheureusement, tu dois partir. C'est dommage, Soda. Very good bassist. Very, very good musician. Congratulations, my friend. You are the groove. You got the groove. See you later, Soda. Thank you.